fait calme l'eau. C'est pas la deuxième mec Nicolas Cantelot. Oh, mon lobby prend beaucoup de place. Tu veux nous voir, c'est mieux le stade de France au Camp Nou. Hey, nous on pense qu'à mailler. On défalage, j'ai pas le temps comme jamais. Oh, Nina je la laisse en pleurs. Hey, je suis pas fait pour elle, je suis dans le cas. Hey, oh, je voulais taper cette beurette. Mais elle met du Rexona sur sa schneck. Hey, soyons raisonnables. Oh, ma bidon mais pas plus que d'éphémère. Hey, nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères. Que le shit, la fumée et les éléments. Elle a menti sur son âge. Faut avoir du fou partout. Il est temps d'ouvrir ses yeux. Et là cette merde continue. On est bien dedans, on joue pas dans nos vies, on sait pas si on travaille dans la colonne toujours. Je vois que ça marche, le sarcasme est systématique. Ah il sait pas que c'est lui qui se défend sur 4 heures. Y'a moins de bonnes réponses. Et s'il te plaît, on n'a même plus sans contact. Mais on va faire le tour de la France. Dans des trappes ou maisons prochaines. Ce qu'il faut c'est de la masse, c'est du sirop. Moi j'éclate ton crâne, c'est bien réel. Soit un clip. Dans ta tête, dans ta vie, ça tire en automatique. On peut virer pour la clique. Yeah. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. Nos frères et puis repose en paix. C'est nos frères. C'est nos frères. C'est nos frères.